Allez. Tu me dis, viens danser à la fête, viens danser, on s'amusera. Ouais. Je voudrais ce soir faire ta conquête, fais-toi belle et viens avec moi. Ouais. Si jamais pour toi je me fais belle, viens danser, on s'amusera. Au matin, bousculant mes dentelles, ouais, un baiser tu me prendras. Si jamais je me laisse un peu faire, oui, allez, viens danser, on s'amusera. Un beau jour tu viendrais voir mon père, voilà, pour voilà, lui voilà, demander voilà ma main. Si jamais mon père te la donne, oh non, viens danser, on s'amusera. Ouais. Au printemps ou peut-être en automne, tous les deux on se mariera. Nous aurons des enfants par douzaine, ouais, viens danser, on s'amusera. Du travail pour toute la semaine, et je sais comment ça finira. Si jamais la voisine est trop belle, ouais, viens danser, on s'amusera. Ouais. Un beau soir, bousculant ses dentelles, un baiser tu lui prendras. Tu voudrais m'emmener à la fête, viens danser, on s'amusera. Ouais, ouais, ouais. Et tu voudrais m'emmener à la fête, non vraiment, ne compte pas sur moi. Et tu voudrais m'emmener à la fête, allez, je n'irai pas danser ce soir, je reste chez moi. Et encore. Et tu voudrais m'emmener à la fête, wow, je te dis non, ne compte pas sur moi.